Vous connaissez le tableau de l'opticien par cœur. E, F, P, T. Vous avez fait tant d'efforts pour communiquer avec votre dentiste. Et pour votre test auditif. Ah, vous avez dû supporter ceci. Et après tout ça, vos soins de santé ne seraient pas bien remboursés? La Matmut lance la mutuelle santé personnalisable, 100% remboursée avec le 100% santé. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Conditions et coordonnées de l'offre en agence ou sur matmut.fr. L'offre 100% santé s'adresse à toutes les personnes disposant d'une complémentaire santé responsable. France Inter. Bonsoir, dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Strange Fruit, la chanson manifeste de Billie Holiday. Un soir de mars 1939 à New York, dans le quartier de Greenwich Village, une foule bohème se presse au sous-sol du Café Society, le nouveau club de jazz. Le lieu, il faut dire, est unique en son genre. On y joue de la bonne musique et ici tout le monde est bienvenu. Les noirs, les blancs, on s'assoit où on veut. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une bulle de liberté dans l'Amérique, toujours ségrégationniste de Roosevelt. Ce soir, ils sont venus écouter la star du jazz, Billie Holiday. Soudain, la lumière s'éteint dans la salle. Dans l'obscurité, tous les regards se portent sur le beau visage de Billie Holiday, éclairé par un projecteur. Une fleur de gardénia dans les cheveux, l'artiste se met à chanter. Une chanson qui ne parle pas d'amour, mais de fruits étranges pendus aux arbres, de corps noirs qui se balancent dans la brise du sud, d'une odeur mêlée de magnolia et de chair brûlée. Quand la lumière revient, la chanteuse a quitté la scène. Il faudra de longues secondes avant que le public, sous le choc, se mette à applaudir. Car il s'en rend compte, jamais jusqu'à présent, le lynchage et le racisme anti-noir n'avaient été dénoncés avec autant de force par une chanson et une artiste. C'est l'histoire de cette chanson « Strange Fruit » que je vais raconter ce soir, à travers le regard de son auteur, Abel Méropol. France Inter. Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Sarah Phila Bakabadio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste des études américaines et afro-américaines, maîtresse de conférences à l'université CY Sergi Paris Université, je l'ai bien dit. Oui, tout à fait. Strange Fruit, donc ce poème devenu chanson, écrite et composée par Abel Méropol et immortalisée par Billie Holiday, est-ce qu'elle marque une date dans le combat des Noirs américains pour leurs droits? Alors, elle est symboliquement effectivement un marqueur puisqu'elle expose à la vue du grand public, même s'il est assez limité à écouter du jazz à l'époque, le vécu de la ségrégation et particulièrement le lynchage. Qu'est-ce que veut dire en fait cette institution de la ségrégation pour les Africains-Américains au quotidien? Et là, c'est un exposé cru pour à la fois pour les Africains-Américains et pour les Américains de ce qu'est la ségrégation. Ce n'est pas simplement la séparation entre les individus qui vivraient chacun de leur côté. D'un côté les Noirs, d'un côté les Blancs, dans des écoles, des églises séparées. Mais c'est aussi cette violence-là, la violence vécue dans les corps. Et c'est ça que dit la chanson. La violence vécue dans ces corps, dans la chair. Et il y a encore beaucoup de lynchage dans les années 30, en tout cas dans le sud des États-Unis. Oh oui. On a beaucoup de lynchage, ça fait partie d'une pratique régulière de la ségrégation dans le sud des États-Unis. On est sous l'ère, ce qu'on appelle Jim Crow. On a dans les archives des journaux locaux des articles qui expliquent qu'un tel a été lynché parce qu'il a été accusé d'avoir agressé une femme blanche, par exemple, ce qui est souvent le déclencheur de ce genre d'action. Et on a aussi des photographies de foules qui assistent, en fait, à ces lynchages, qui sont des gens du quartier, des gens du village, y compris des enfants qui voient en fait la personne se faire battre, la personne se faire pendre, et parfois on brûle le corps de la personne qui a été pendue. Donc oui, c'est un quotidien, et c'est ça que dit la chanson. C'est un quotidien, et c'est un quotidien qui annihile l'humain. On n'est plus simplement dans la différenciation dans du racisme structurel, on est dans l'effacement de l'être humain. Et dans ces années 30, donc la chanson est écrite à la fin des années 30, où en sont les rapports légalement et en fait dans les faits, où on en est justement entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis, parce qu'il y a quand même une différence aussi entre le Nord et le Sud. Tout à fait. On est toujours donc dans une période où la ségrégation est légale. Elle est légale depuis 1896, d'après un arrêté de la Cour suprême. Et elle est instituée dans différents États. Alors effectivement, dans le sud des États-Unis, elle est plus féroce que dans le nord. L'idée étant, dans tous les cas, de perpétuer un système qui a été créé pendant l'esclavage, qui s'est effondré avec la guerre de sécession, puisque le sud a perdu la guerre de sécession. Mais les sudistes ont toujours l'idée qu'il faut construire et faire durer cette société hiérarchisée racialement, entre noirs et blancs. Donc, un tas de petites lois sont créées dans chaque État. Et dans le Nord, c'est moins visible. C'est moins visible et c'est d'une des déceptions de certains Africains-Américains venant du Sud qui migrent dans les années 40, juste après que la chanson soit publiée, vers le Nord. C'est qu'ils espéraient pouvoir avoir une situation plus apaisée. Et là, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent face aussi à une ségrégation, mais qui est moins frontale. Et Billie Holiday, c'est déjà une star en 1939. Ça n'est pas totalement une star, c'est le début en fait de sa période de gloire qui va aller, je crois, jusqu'à à peu près 1942. Elle commence à être connue parce qu'elle a réussi à enregistrer notamment cette chanson, et cet enregistrement est diffusé un peu partout. Merci Sarah Phila Bacabadio. On se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien, pour poursuivre la discussion sur Strange Fruit. Tout de suite, Strange Fruit, la chanson manifeste de Billie Holiday, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Cédric Ossir. Seconde zone, indigne de son talent, même pas un club. Elle a chanté son set devant une dizaine de lourdeaux qui suivent de sa musique. Le gamin qui l'accompagnait au piano connaissait pas la moitié des morceaux. Sa voix est devenue traînante, son tempo n'est plus aussi précis. Elle a montré qu'elle sait encore captiver une salle. Quel artiste! Avant la fin du premier morceau, plus personne ne parlait. Tous les yeux étaient sur elle. En cette soirée de novembre 1957 à New York, Abel Méropol est venu dans ce petit bar de Harlem dans l'espoir de parler à Billie Holiday. La cinquantaine élégante, cheveux gominés et fines moustaches, Abel Méropol est l'auteur-compositeur de Strange Fruit, la chanson phare du répertoire de Billie depuis une quinzaine d'années. Mais entre-temps, le swing a laissé la place au free jazz, et celle qui fut la soliste fétiche de Count Basie semble définitivement passer de mode. Rongée par l'alcool et la drogue, elle vit de petits concerts et de rares sessions en studio avec d'autres anciennes gloires du jazz. Ce soir, sur scène, Billie Holiday n'a que 42 ans, mais elle semble en avoir 20 de plus. Quoi ? Foutez-moi la paix. C'est Abel ! Abel Méropol ! Qui ? Abel Méropol ! Billie ! Je cherche à te joindre depuis des mois, mais ton agent refuse d'arranger un rendez-vous. Vous me laissez pas le choix. Bon. Je vais rester ici le temps qu'il faudra, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder ? Bonjour, Bill. Tu me laisses entrer ? T'étais bien ce soir. Tu parles. C'est vraiment une salle de merde. En plus, j'ai encore deux sets à faire. J'ai envie de me casser. Tu as vu Louis ? Non, je sais pas qui c'est. Je vais lui dire que je m'en vais, j'ai rien à faire ici. Billie, je suis venu te parler sérieusement. Si tu veux, on peut se voir à un autre moment, hein, avec ton agent ou ton avocat, mais ils répondent pas aux lettres de mon avocat. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Je comprends rien à ce que tu dis. Qui tu es d'abord ? Enfin, Billie, tu me reconnais pas ? Tu sais, des gugus comme toi, j'en croise 15 tous les soirs. Bon, alors maintenant, casse-toi. Louis ! Je suis Abel Méropol, l'auteur de Strange Fruit. C'est moi qui ai écrit Strange Fruits. Louis! Allez, Billy, je sais que tu vas pas oublier, fais pas ça. C'est moi qui l'ai écrit Strange Fruits, tu le sais bien. T'es en train de m'effacer de l'histoire. T'as pas le droit de faire ça. Hein. C'est bon, calme-toi. Tu veux un verre? Oui, merci. Excuse-moi. Tu sais, je le pense vraiment. T'es toujours aussi bouleversante sur scène. Tu parles. Ta voix a gagné en sensibilité, comme une fragilité depuis la dernière fois que je t'ai entendue. Mais ça fait que renforcer l'émotion. C'est bien toi, ça, petit gris. La vieille chevrotte, et toi, tu appelles ça de la fragilité. Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 20 ans déjà. Le jour où mes emmerdes ont commencé. Quand on s'est rencontrés, Billy était déjà une chanteuse en vue. Moi, juste un petit prof de lycée, musicien et compositeur amateur. J'étais pas du genre extraverti. Sans Barney Josephson, jamais je n'aurais osé l'approcher. C'était en 1939, au Café Society, un club de jazz situé en plein cœur de Greenwich Village, ouvert quelques mois plus tôt par Barney Josephson, un ami d'Abel Méropol. Les deux hommes sont tous les deux fils d'immigrants juifs d'Europe de l'Est et partagent des opinions politiques ancrées à gauche. Avec le Café Society, Josephson brise les barrières de la ségrégation. Les Noirs ne sont pas seulement sur scène, ils sont aussi les bienvenus dans le public. Même dans l'Amérique progressiste de Roosevelt, cette mixité est rare. Début 1939, Josephson a embauché Billie Holiday pour y chanter plusieurs soirs par semaine. Ton truc, c'est exactement ce qu'il lui faut. Quelque chose qui change des chansons d'amour. Et c'est le bon moment pour lui parler, elle est de bon poil aujourd'hui. Salut Billie. Salut. Et Lester Young. Tu peux arrêter s'il te plaît Lester, tu vas me crever les peaux. Abel Méropol, auteur-compositeur. Enchanté Lester. Le meilleur sax ténor de New York. J'adore votre jeu. Tout comme votre voix, Madame Holiday. Ding dong. Il a des bonnes manières, le petit gris. Il faut se battre pour survivre. Faire ce que t'as à faire. Quoi? T'inquiète pas, Abel, moi non plus, je comprends rien à ce qu'il dit. Alors, Abel, dis-nous ce qui t'amène. Il paraît que t'as une chanson à nous proposer. Oui. Enfin, au départ, c'est un poème que j'ai mis en musique. De la poésie? Bah, mon salaud. Barney, tu nous as amené un poète. Attends, Billy, c'est... Enfin... Il vaut mieux que tu l'écoutes. Abel, tu peux nous le lire? Ou le chanter? Je vais plutôt le lire, mais c'est juste pour vous donner une idée. Hein. C'est pas vraiment mon métier. T'inquiète, mon chou, c'est pour ça que tu es venu voir les pros. Vas-y. Ok. Putain, j'ai rien compris. C'est quoi les Strange Fruits? Ce sont des cadavres, Billy. C'est ce que je pensais. C'est dur. Des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud. Les yeux révulsés, la bouche déformée. Waouh. C'est très fort. Le texte est très fort. C'est idéal pour toi. Mais j'ai grandi dans le nord. Je connais rien aux problèmes du sud. Il y a des racistes partout, Lady. Au sud comme au nord. Il est temps que les artistes noirs prennent la parole sur ces sujets. Je suis métisse, moi. Pour les blancs, tu es noir. Tu le disais toi-même. Tu es venu chanter ici parce que t'en avais marre de la manière dont on te traitait en tournée. C'est vrai. Dans ce pays, tu peux remplir une salle de 3000 personnes sur ton nom et te retrouver le même soir dans le monte-charge de l'hôtel pour pas que les clients blancs croisent une négresse. Je pense qu'avec votre notoriété, cette chanson pourrait faire évoluer les choses. T'es un poète et un rêveur en plus. Mais pourquoi t'écris des trucs pareils, toi? Je supporte pas l'injustice. Aucune injustice. Au moins, c'est clair. Lady Day, do that. Lady Day, do that. La musique n'est pas encore assaisonnée pour toi, mais les paroles, my lady, les paroles. Ce petit gris est un poète. Il a tout compris. Je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'elle va dire non. En 1939, le jeune couple Méropol habite dans le Bronx. Abel enseigne l'anglais au célèbre lycée DeWitt Clinton, réputé pour son enseignement et sa mixité raciale. Très impliqué dans le syndicalisme et l'activisme politique, Méropol trouve malgré tout du temps libre pour écrire et composer. Il publie d'abord Strange Fruit sous la forme d'un poème dans le New York Teacher Magazine, puis il le met en musique. Sa femme, Anne, professeure d'art dramatique et chanteuse à 16 heures, fut la première à la chanter sur scène. Bon, tant pis pour elle si elle la veut pas. T'as déjà Laura Duncan qui l'a mise à son répertoire. Ah, Laura, elle a pas l'envergure de Billy. J'ai pensé aussi à Ella Fitzgerald, mais Barney pourra rien pour nous. Je sais même pas comment l'approcher. Mais... Et moi ? Non, mais Anne, on en a déjà parlé. Une artiste noire, ça aurait un vrai sens. Bah, une juive, c'est presque pareil. Ah non, c'est pas pareil. Elle chante vraiment mieux que moi, cette Billie Holiday ? À peine, à peine. Non, mais t'as une voix formidable, toi aussi. Non, mais sérieusement, tu vas trouver. Tu vas finir par percer avec cette chanson, c'est sûr. Je fais pas ça pour la gloire, tu sais. Je sais, Abel. C'est toi, ma vedette. Et tu vas continuer à la chanter sur la scène du théâtre du syndicat. Mais j'espère bien. Quelques jours plus tard, Billie Holiday fait savoir à Méropol qu'elle accepte d'intégrer la chanson à son répertoire. Je tiens pas en place. J'arrive pas à écouter le concert. Billie est sur scène depuis une heure déjà. Elle a enchaîné ses classiques, My Man, Fine Romance, Summertime. Du romantisme, de la sensibilité. Comment est-ce qu'elle va faire pour passer ce changement d'atmosphère ? Bon, ça marchera pas. C'était une erreur. L'ambiance est joyeuse. Billie osera pas la chanter. Et puis, alors que le concert touche à sa fin, la salle est soudainement plongée dans le noir. Un spot s'allume, braqué sur Billie. On ne voit que son gardenia planté dans ses cheveux. Tête baissée, la chanteuse reste immobile. La salle attend, silencieuse. Enfin, Billie redresse la tête. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Les gens sont venus ici pour s'amuser et Billie leur a retourné l'estomac avec des corbeaux dévorant des yeux de cadavre. Mais ils ont fini par applaudir. Certains ont les larmes aux yeux. Moi aussi, je les sens couler sur mes joues. Bravo. Je porte un toast aux nouvelles chansons de Billie. Vous avez fait un carton ce soir. Pourquoi tu nous emmènes au restaurant ? Rien n'est assez beau pour les stars du Café Society. Tu sais, du gin et quelques joints nous auraient suffi. J'y ai pensé. Mais vu votre consommation, le restaurant me coûtera moins cher. Ils ont du poulet frit au moins. Vous avez été incroyable ce soir. Vous avez chanté exactement comme je l'avais imaginé. Arrêtez, chichi. Elle est bien, ta chanson. Je peux vous demander, pourquoi vous avez changé d'avis? J'ai bien vu que vous n'étiez pas convaincu au début. Ta chanson m'a fait penser à mon père. Il est mort l'année dernière. Oh, je suis désolé. Oh, c'était un salaud. Mais ta chanson m'a fait réfléchir à toute la merde qu'il a subie. Lui et tous les Noirs qu'on a envoyés à la guerre en France. Il a pris du gaz allemand dans les poumons. Il a traîné ça jusqu'à sa mort, sur le sol d'un hôpital qui n'accepte pas les Noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hôpital de la ville n'a pas voulu s'occuper de lui. Ils l'ont renvoyé vers l'hôpital des gens de couleur. Mais le temps de le transporter, son état s'est dégradé et il a attrapé une pneumonie qui l'a tué. Je suis désolé. Même si c'était une raclure et une loque à la fin à cause de l'alcool, il méritait pas ça. En fait, c'est la façon dont on l'a traité qui l'a rendu comme ça. La manière dont les Noirs sont traités dans ce pays est inacceptable. Je m'excuse, au nom des Blancs, Billy. T'es un gentil gars, toi. Clarence Holliday, le père de Billy, n'a jamais fait la guerre en Europe et n'a donc jamais été gazé. Billy fantasmait ce guitariste de jazz alcoolique, drogué et violent qui avait abandonné sa femme. Billy n'a pas eu plus de chance avec sa mère, Sadie, qui se prostituait et la délaissait. Mais Billy, grâce à vous, les choses vont peut-être enfin bouger. On s'emballe pas. Je veux pas être présidente des États-Unis, moi. Vous portez un message. Cette chanson, elle marque les gens. Non, les gens pleurent et c'est déjà pas mal. Moi, je suis là pour leur donner des émotions. Billy prend pour habitude de conclure ses concerts par Strange Fruit. En avril 1939, elle décide de l'enregistrer, mais son label, Columbia, refuse, jugeant la chanson trop subversive. Elle se tourne alors vers Milt Gabler, qui tient Commodore Records, un petit label sur la 52e rue. Le 20 avril, elle enregistre la chanson avec Sonny White au piano et Frankie Newton à la trompette. Le 78 tour de Strange Fruit se positionne à la 16e place des ventes. Mais le succès est en demi-teinte, car les radios rechignent à diffuser cette chanson si explicite. Les ventes de partitions sont elles aussi décevantes. La chanson est populaire, mais surtout dans les milieux progressistes. En cette année de sortie d'Autant en emporte le vent, le film de Victor Fleming, complaisant envers l'esclavage, Strange Fruit est un pamphlet qui passe mal. Malgré tout, la carrière de Billy est à son apogée. Elle enchaîne les concerts et les enregistrements avec des musiciens tels que Dizzy Gillespie ou Art Tatum. Mais quelques mois après la sortie du disque, Billy attire l'attention des autorités. Allez, cul-saqué, ça va être à nous. Billy? Je sais, Barney, on y va. Il faut se faire désirer du public. Non, Billy, c'est pas ça. Il y a des agents des stupes dans la salle. Et ils posent des questions sur toi. Des Bing Crosby? Ils en veulent après nos cigarettes de la Nouvelle-Orléans? J'en sais rien, mais si t'en as, tu ferais mieux de les bazarder. On dirait qu'ils nous lâchent plus. On est les seuls à avoir des descentes en ce moment. T'as qu'à pas aimer autant les Noirs. 1940. Cela fait 6 ans que Roosevelt a abrogé la prohibition en annulant l'amendement interdisant la vente de boissons alcoolisées. La consommation de haschich est tolérée. Mais dans les milieux artistiques, la cocaïne et l'héroïne, pourtant interdites, se sont banalisées. Faites gaffe, hein. Les flics, je peux les arroser, mais ceux-là, c'est des fédéraux. Tu caches rien, Lady. Hein? T'as pas sucré ton café? Non! Pourquoi tu dis ça? C'est juste que je te vois traîner avec Simons, le contrebassiste. T'es jaloux. Fais gaffe à toi, Billy. Simons, c'est pas les yeux. Ce mec, c'est pas les yeux. Je ferai attention. Tu sais, la guerre en Europe, ça me travaille. Je sens qu'on va nous envoyer là-bas comme nos parents. Et si je pars, je m'inquiète pour toi, my lady. Je serai plus là pour te protéger. Va te faire foutre, Press. Je suis assez grande pour m'occuper de moi. Et tu partiras pas. Cette guerre ne nous concerne pas. En décembre 1941, pourtant, après l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre. Lester Young enchaîne les tournées pour éviter son incorporation, mais il est finalement rattrapé en 1944 par un sergent recruteur sous couverture qui le fait boire après un concert et l'incorpore de force. Contrairement à de nombreux musiciens, Young n'est pas affecté à un orchestre, mais dans un régiment d'entraînement. À cette époque, Young est déjà alcoolique et ses frasques le conduisent en février 1945 devant le tribunal militaire, où il est condamné à quelques mois de détention. Pendant ce temps, Billie Holiday continue d'enchaîner les relations toxiques avec des hommes violents, malhonnêtes et souvent drogués. On la voit au bras du contrebassiste John Simmons ou du trompettiste Joe Louis, des drogués notoires, et elle se marie brièvement avec Jimmy Monroe, un souteneur lui aussi drogué. C'est pendant ces années de guerre qu'elle goûte à l'héroïne. Je sais, j'ai déconné à l'époque. J'ai fait des trucs dont je suis pas fière. Mais Daddy O, comparé à d'autres, c'était rien. Il y a eu un acharnement, c'est un fait. Les fédéraux t'ont pas lâché. Jody Garden, qui carburait aux amphétamines sur les magiciens d'Oz. La pauvre était à côté de ses godasses la plupart du temps. Elle, tout le monde la plaint. Pourquoi moi, personne me plaint? Je crois bien que je sais. On n'a jamais pardonné à la négresse de chanter Strange Fruit. Moi, je te plains, Billy. Quand on s'est rencontrés, tu buvais et tu fumais, mais tu prenais pas de drogue dure. Déjà, à l'époque, tu savais pas choisir tes amants. À chaque fois que je te voyais, tu ramenais un nouveau type qui s'avérait être une brute, un drogué ou un voleur. Et parfois, les trois en même temps. On s'est perdu de vue pendant la guerre. Prez était plus là pour veiller sur toi. C'est vers 1946 que j'ai vu passer dans la presse les premiers articles sur ta consommation d'héroïne. Les vautours avaient trouvé leur proie. Salut Billy. Salut Jimmy. Je peux m'asseoir ? Vas-y, c'est public. Ça fait un bail que je t'ai pas vu. Moi, je t'ai vu au Braddock, mardi soir. Merde. Désolé, j'ai pas dû te voir. T'inquiète. Vu comme on était tous chargés, je m'attendais pas à ce que tu viennes me parler politique. Tu me fais rire. Je croyais que tu sortais d'une cure de désintoxication. Ouais, et alors? Tu sais que les fédéraux t'ont toujours à l'œil. Ouais, j'ai remarqué, merci. Ils vont sûrement faire une descente chez toi. Quoi? Mais comment tu sais ça, toi? Je l'ai appris par des contacts. T'es flic? J'ai pas le droit d'en parler. Putain, t'es un agent. Quoi? FBI? Stup? Stup. Et tu me le dis comme ça? Parle doucement. Je fais ça parce que c'est toi. Mais quelle enflure! Et tu m'as vendu de la blanche! T'as le droit de faire ça? Tu m'as proposé et tu m'as vendu de la poudre? Ça fait partie du boulot. Et depuis quand ils recrutent des négros chez les stupes? Depuis qu'ils ont compris que pour infiltrer les dealers à Harlem, il valait mieux pas envoyer des pasteurs blancs. Et qu'est-ce que tu veux? Tu vas m'arrêter? Si c'est pas moi, ce sera d'autres. Ils veulent te faire tomber. C'est qui, ils? Aslinger, mon patron. Il trouve que tu attires trop l'attention sur toi. Ah. Il préfère les noirs obéissants, c'est ça? Me juge pas. Chacun doit faire bouillir la marmite. Je te juge pas. Je t'écoute. Aslinger est un pauvre type. Il dit que les musiciens de jazz sont tous devenus dingos à cause de la marijuana et que c'est pour ça que le jazz est une musique insupportable. Et toi, tu penses ça aussi? Dis pas de bêtises. Je te dis, ce mec est un salaud. Il me traite comme de la merde. Pourquoi tu restes? Parce que je veux arrêter les enfoirés qui vous vendent cette merde. Arrête, Billy. Arrête avant qu'il soit trop tard. Mais je prends rien. Quasi rien. Dis pas de conneries. Lâche tout ce que tu as en ce moment. Fais profil bas et arrête de chanter cette chanson. Quoi? Arrête de chanter Strange Fruit. Ça les rend dingues. En plus, ton répertoire ne reflète pas ça. Si tu arrêtes celle-là, tu redeviens une chanteuse fréquentable. Tu sais, Jimmy, je fais signer un truc dans tous mes contrats. Un truc qui dit que c'est moi qui décide si je chante Strange Fruit ou pas. Personne ne me dit quoi faire et j'ai pas l'intention que ça change. Ok. Prends soin de toi, Billy. Jimmy? Oui? Merci de m'avoir prévenu. Quelques semaines plus tard, le 16 mai 1947, Jimmy Fletcher prend part à une descente du Bureau fédéral des stupéfiants. Les agents se présentent au domicile de Billie Holiday sans mandat. Ils se sont fait passer pour le facteur. Quand j'ai ouvert, ils m'ont dit « Billie, donne-nous ta cam tout de suite, sinon on retourne tout. » J'aurais dit « Allez-y. » Et moi, je me suis mise à poil. Je leur ai dit, et venez chercher sur moi aussi. Ils m'ouvraient pas. Alors je suis allée aux toilettes. J'ai laissé la porte ouverte et je les regardais dans le couloir. Ils me regardaient pendant que je pissais, comme des couillons. Les policiers trouvent de la drogue dans l'appartement et Billy est arrêtée. Elle est condamnée à 1 an de détention. À la prison, on lui propose de chanter, mais elle refuse. Libérée le 16 mars 1948, elle triomphe 10 jours plus tard au Carnegie Hall. Malgré tout, Billy est ruinée. Elle a perdu sa cabaret card, ce qui veut dire qu'elle ne peut plus chanter dans le circuit des cabarets new-yorkais. Elle est contrainte de sillonner le pays pour remplir des salles de concert. Un soir, elle partage l'affiche avec son ami Lester Young, qu'elle n'a pas revu depuis la guerre. Elle retrouve un homme très amaigri, ayant du mal à tenir son saxophone. Donne. J'arrive même plus à allumer la joie. T'as bien joué pourtant ce soir. T'as toujours le truc. Lady Day. My Lady Day. Tu m'as manqué. Tu vas envoyer des uppercuts ce soir? Quoi? Tu me comprenais avant. Tu vas chanter Strange Fruit? Je sais pas. Je déciderai sur le moment. Ça ne passe pas à tous les coups. J'ai plein de problèmes avec. Dans le sud, ils ont failli me tuer. Ah, ça n'a pas changé là-bas. Faut juste ne pas aller en enfer quand tu peux l'éviter. Tu l'as dit. Là, je reviens de Mobile. C'est en Alabama, ce bled? Oui. J'ai commencé à chanter Strange Fruit, mais j'ai pas pu finir. Ils ont jeté les chaises sur scène. Ils nous ont même poursuivis jusqu'à ce qu'on quitte la ville. Sérieusement? T'as chanté Strange Fruit? Je te crois pas. Je te jure que c'est vrai. T'es dingue. Le major dans mon régiment, c'était un blanc du sud, du Mississippi comme moi. Il me détestait, me foutait au trou dès qu'il pouvait. Une fois, pendant que j'y étais, il a fouillé dans mes affaires. Il est tombé sur une photo de Mary. Il savait pas que j'étais marié à une blanche. À partir de ce moment-là, il a transformé ma vie en cauchemar. Évite le sud, Lady Day. Évite le sud et les sudistes. Ils lynchent encore tous les week-ends là-bas. Je ferai attention. Mais moi, j'aime bien cette chanson. Elle a fait de toi une chanteuse. J'étais une chanteuse avant. Et elle n'est pas si dure. Si, elle est dure. Quand tu la chantes, les paroles, ce sont des uppercuts que t'envoies à toute la salle. Je parle pas de la mélodie. Y a pas de place pour les musiciens là-dedans. Y a pas de solo. Avant Strange Fruit, tu chantais. On prenait un solo. Musique, chant, musique, chant. T'étais au même niveau que nous. Là, ce n'est que toi. On ne voit et on n'entend que toi. Cette chanson, c'est ton solo. Je vais la chanter ce soir. Rien que pour toi, Press. Cette chanson, pour moi, pour les Noirs, c'est de la tristesse. J'ai mis du temps à comprendre que pour les Blancs, c'était une agression. Je leur mets un miroir devant la gueule. Et c'est moi qui tends le miroir sur scène. Je prends tous les risques. Personne d'autre ne le fait. Je comprends. Mais légalement, pas moralement, Billy, cette chanson, c'est la mienne. Je ne suis pas noir et je ne saurais jamais ce que c'est que d'être noir dans ce pays, mais toute ma vie, je me suis battu pour la justice. Et cette chanson, c'est ma plus belle réussite. T'as pas le droit de me la voler. Je veux pas faire de hiérarchie dans le malheur. Et tu le savais peut-être pas à l'époque, mais moi aussi, j'ai payé le prix fort. À la sortie de Strange Fruit en 1939, les États-Unis faisaient déjà la chasse à la subversion communiste. Les syndicats, notamment celui des professeurs, étaient des repères notoires d'activistes de gauche. En 1940, la commission d'investigation du communisme dans les écoles publiques avait porté son attention sur l'auteur de Strange Fruit. Monsieur Meropolsky, c'est russe comme nom, n'est-ce pas? Oui, mais mon nom est Meropol aujourd'hui. Êtes-vous l'auteur de la chanson intitulée Strange Fruit? C'est exact. Cette chanson, vous l'avez écrite de votre propre chef? Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'une commande? Non. Je vous rappelle que vous êtes sous serment, monsieur Meropolsky. Non. Au début, ce n'était qu'un poème que j'ai écrit dans mon appartement. À aucun moment, vous n'avez eu de contact avec un membre du Parti communiste américain ou étranger au sujet de cette chanson? Non. Êtes-vous ou avez-vous été membre du Parti communiste, monsieur Meropolsky? Meropol. Non, jamais. Pourquoi avoir pris le pseudonyme de Allen Lewis pour écrire la chanson? Ça se fait dans l'industrie. Pourquoi Allen Lewis? C'est Lewis Allen. Je ne crois pas que ça soit important. Répondez juste aux questions, monsieur Meropolsky. Pourquoi Lewis Allen? C'est un nom bizarre, mais c'est un code. Non, ce ne sont que les prénoms de mes deux enfants morts-nés et je souhaitais leur rendre hommage. Finalement, la commission en 1940 n'a retenu aucune charge contre Abel Méropol, qui peut librement retourner enseigner jusqu'à la fin de la guerre. C'est à cette époque qu'il écrit les paroles de « The House I Live In », un court-métrage musical, patriotique et antiraciste, interprété par Frank Sinatra, qui est couronné par un Oscar en 1945. Le succès laisse entrevoir à Abel une carrière dans le cinéma. Il démissionne du lycée, le couple s'installe à Hollywood. Hélas, le succès n'est pas au rendez-vous et il rentre à New York en 1951. J'aurais aimé te payer un coup à boire dans un de mes bars, Abel. Mais la vie en a décidé autrement. C'est la commission des activités anti-américaines ? Oui et non. Ils m'ont mis en examen, ils n'ont rien pu prouver. Non. Mais ils ont démoli ma réputation. Et dans les semaines qui ont suivi, le Café Society s'est vidé de sa clientèle. C'est dur. T'inquiète pas pour moi, je vais rebondir. Mais toi, et vous, ça va, Anne ? Vous êtes de retour ? Oui, oui. Ils t'ont inscrit sur leur liste noire ? J'ai été suivi, convoqué, mais je crois pas que je sois blacklisté. Je suis trop insignifiant comparé à Dalton Trumbo ou Charlie Chaplin. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de travail ces temps-ci. Je penserai à toi si j'entends quelque chose. On n'est toujours que tous les deux ? Oui. Anne, enfin, disons qu'on a laissé tomber l'idée. C'est peut-être mieux comme ça. De pas avoir trop de bouche à nourrir en ce moment. Au début des années 50, alors que la chasse aux communistes du sénateur McCarthy bat son plein, Abel Méropol, qui ne renie pas ses sympathies à gauche, ni ses œuvres engagées, est contraint de vivre de petits contrats pour la télévision. Le couple déménage fréquemment pour éviter les convocations au tribunal. Je savais pas ce qui s'était passé pour toi et pour Barney. Je le voyais plus, ce salaud m'avait viré pendant quelques mois du Café Society. C'était après notre rencontre. Il m'a dit que c'était parce que t'avais manqué plusieurs concerts. C'est pas vrai. Tu sais, c'est bête. Mais je regrette le Jazz Society. Non, c'est pas bête. Il y a plus d'endroits où on trouve des blancs et des noirs ensemble à New York. C'était il y a plus de 15 ans et j'ai l'impression que c'est encore pire maintenant. Le racisme, tout ça. Les hommes ont besoin d'ennemis. Tu sais, Strange Fruit, je l'ai écrite après avoir vu une photo. C'était il y a 25 ans, mais l'image est gravée dans ma tête. On voit une foule, des blancs, des gens en tenue du dimanche, des hommes, des femmes et même des enfants avec le sourire. Et puis juste derrière eux, les corps de deux noirs pendus à un arbre, le visage grimaçant, couvert de sang. Je me suis renseigné sur cette photo. Elle a été prise à Marion, dans l'Indiana. Thomas Shipp et Abraham Smith étaient soupçonnés d'avoir violé une femme blanche et d'avoir tué son compagnon. Ils ont été arrêtés et mis dans la prison. La nouvelle s'est répandue dans la petite ville et les gens se sont réunis spontanément. Ils sont allés à la prison. Les gardes ont ouvert les portes et la foule s'est précipitée dans les cellules. Et ils ont frappé les deux hommes à coups de marteau. Ils n'étaient pas morts, alors ils ont sorti une corde et les ont traînés par le cou dans la rue pendant que la foule continuait de les frapper. Ils sont morts avant d'être attachés à l'arbre. Après, certains ont essayé de couper leurs doigts pour les conserver. Et puis les gens sont restés là pendant des heures à faire la fête, à quelques mètres des cadavres mutilés. Je me suis dit, comment on peut faire ça ? Et puis après, rentrer chez soi, embrasser ses enfants et aller à la messe le lendemain. Et j'ai pensé à ma famille, qui est arrivée dans ce pays au début du siècle pour fuir ce qu'on faisait aux Juifs en Russie. J'ai pensé à eux et j'ai pleuré. J'ai pleuré et quand j'ai fini, je me suis mis à écrire. Merde, mec. Je savais pas qu'on lynchait les Juifs d'où tu viens. C'est vrai qu'on a un peu oublié ces horreurs-là depuis qu'Hitler a industrialisé le procédé. Quoi ? C'est horrible ce que tu dis. Désolé, c'était de l'humour juif. Tu sais quoi ? Je vais en parler à mon agent. Pour le livre et la chanson. On va corriger ça. Merci, Billy. Alors, elle a dit oui ? Elle, elle est d'accord, mais j'ai croisé Louis McKay, son nouveau compagnon et agent. Ah, il est comme les autres ? Ouais, j'ai bien l'impression. Il m'a presque menacé, il a dit qu'il ferait rien, que c'était trop tard. Tant pis, on continuera avec l'avocat. Ça m'a fichu un coup de l'avoir comme ça. Abel, tu peux pas sauver tout le monde. T'as déjà ta famille. D'ailleurs, je crois qu'il y en a deux qui dorment pas encore et qui attendent leur bisou. En 1953, Abel et Anne Méropol ont adopté deux enfants qui ne sont autres que les fils du couple Rosenberg, les fameux militants communistes arrêtés pour espionnage et exécutés cette année-là. Abel Méropol continuera d'écrire et de composer, notamment Apples, Peaches and Cherries, qui sera adapté par Sacha Distel en 1959 pour devenir Scooby-Doo. Abel Méropol décédera le 30 octobre 1986. Strange Fruit tombera dans un quasi-oubli pendant des années, jusqu'à sa résurgence au tournant du 21e siècle. Il faudra attendre décembre 2018 pour que le Sénat américain reconnaisse le lynchage comme un crime fédéral. J'aime mon pays. L'Amérique, pour moi, ce n'est pas qu'un nom sur une carte ou un drapeau. C'est un peuple. Une mosaïque de toutes les races et de toutes les religions. Il n'y a pas de place pour le rejet de l'autre dans ce pays. Le racisme est une plante vénéneuse qui pousse dans les marais de l'ignorance et de la haine. C'est sur ces branches tordues que l'on lynche la liberté. Strange Fruit, la chanson manifeste de Billie Holiday, de Vincent Hazard, avec Abel Méropol, David Jezelson, Anne Méropol, Capucine Lespinas, Billie Holiday, Ludmilla Dabo, Lester Young, Cyril Gay, Barney Josephson, Christophe Desposti, Jimmy Fletcher, Augustin Ruabura, le procureur, Elliot Jennicott, bruitage Sophie Bissens, équipe technique Émilie Couette et Pierre Henry, assistante à la réalisation Clémence Bucher, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On poursuit la discussion sur Strange Fruit tout à l'heure avec mon invitée, l'historienne Sarah Phila Bacabadio. Of minds, bodies, and human rights, stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. Breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing, because we do not seek revenge, we seek justice. We are past fear, we are fed up eating your shit, because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe. I Can't Breathe par Her sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisée par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Mathias Alléon. Alors cette chanson, I Can't Breathe, c'est vous, Sarah Fila Bacabadio, qui l'avez choisie. Elle reprend bien sûr les mots prononcés par Eric Garner en 2014 et George Floyd plus récemment, deux Afro-Américains qui sont morts après leur arrestation par la police, et des mots qui sont devenus le slogan du mouvement Black Lives Matter. Il y a une filiation avec Strange Fruit. Il y a une filiation parce que le moment où, de la chanson où elle parle, elle rappe, en fait, elle évoque la métaphore de Strange Fruit en s'adressant aux libéraux de gauche américains qui soutiennent les mouvements d'émancipation des Africains-Américains et qui les financent aussi, en leur expliquant que ce fruit étrange qui est suspendu dans son arbre généalogique est aussi lié à leurs propres fruits étranges dans leurs arbres généalogiques également. Ah oui, et parce que c'est les démocrates pendant très longtemps étaient dans le sud, enfin, était anti-noir, enfin, et aussi l'esclavage. Mais là, les choses ont changé depuis, quand même. Les choses ont changé depuis, et aussi qu'ils ne sont pas dépourvus de racisme, qu'ils ont aussi internalisé cette histoire de différenciation raciale, et même s'ils tentent de compenser et de questionner cette histoire, ils en sont aussi le produit. Mmh. Et ce qu'elles disent, c'est regarder aussi cette partie-là, c'est inconfortable, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, mais ça fait partie du combat collectif qu'on doit aussi avoir, un réveil de conscience sur ce que signifie le racisme et dans quelle mesure ça a structuré notre société. Et Strange Fruit, est-ce que d'autres artistes ont repris cette chanson plus récemment ? Depuis Billie Holiday, oui, c'est une chanson qui est reprise régulièrement et je pense qu'en ce moment, elle va l'être d'autant plus. Je me souviens de manière plus récente, Nina Simone l'a chantée à plusieurs reprises. Dans les années 60, oui. Voilà. Chanteuse qui a aussi eu des soucis, comme Billie, pour chanter en fait dans certains lieux des États du Sud à cause de son engagement et à cause de certaines de ses chansons. Et très récemment, certains rappeurs ont aussi samplé cet extrait-là. Je pense à Kanye West, en fait, qui l'a samplé également. Donc, c'est quelque chose qui revient périodiquement, en fait, comme insertion dans des chansons qui, a priori, pourraient être juste du divertissement et qui transforment les chansons en chansons de protestation et de défense de la cause noire. Qu'est-ce qui fait la force de cette chanson, à votre avis ? Alors, à titre personnel, je dirais dire la violence de manière très directe. Même si c'est une métaphore, imaginez visuellement les corps suspendus à un arbre, c'est pour tout le monde viscéral, c'est pour tout le monde une confrontation à ce que veut dire la ségrégation et jusqu'où peut aller le racisme et la discrimination. C'est dire des choses très violentes aussi dans une langue très élégante. Dans une langue très élégante. Dans un anglais très, oui. Enfin, très classique finalement. Oui, et en même temps avec une voix et une personnalité qui est celle de Billie Holiday, qui porte aussi la souffrance qui est la sienne, en fait, d'une histoire personnelle qui est déjà compliquée, mais qui se mélange également à l'histoire africaine-américaine d'un vécu d'une femme noire à cette période-là. Et toute cette combinaison-là, en fait, de souffrances multiples, individuelles et collectives, en fait, se ressent dans cette chanson-là. Et malheureusement, comme la situation a évolué, mais toujours compliquée et toujours liée au racisme, ça réactive à chaque fois, en fait, cette partie-là. Strange Fruit a été un véritable choc en 1939, hein, on l'a entendu. Il y a des témoignages de gens qui étaient donc au Café Society, qui ont entendu Billie Holiday la chanter. Par exemple, il y a un journaliste, Harry Levin, qui écrit « Nous étions quasiment paralysés pendant qu'elle nous mettait physiquement en contact avec chaque mot et chaque geste de Strange Fruit. Nous étions abasourdis, muets, nous n'osions pas nous regarder. » Il y a des témoignages aussi qui disent qu'on avait l'impression d'être sous l'arbre, enfin, comme une présence physique. C'est ce que vous disiez aussi vous-même. Sarafila Bakabadio. Tout à fait. C'est comment intégrer les spectateurs à un vécu. Et elle ne raconte pas simplement une histoire, elle les emmène avec elle dans ce moment-là. Mmh. Et là, elle les oblige à entendre, écouter, se poser des questions sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et donc, elle a dû effectivement sentir à certains moments que la chose était dangereuse, et aussi parce que les autorités américaines la surveillaient, alors pour des raisons d'abus de drogue, mais aussi à cause de ses chansons, à cause de Strange Fruit. Oui, parce que c'est une chanson de protestation et que toute protestation à l'époque du système de la ségrégation supposait une surveillance. La chanson a été censurée. Oui. Elle n'a pas été diffusée, je crois, sur certaines chaînes de radio, à la BBC, par exemple. Elle n'a pas été diffusée. Certains producteurs ont refusé de la produire. Certains d'entre eux et certains magazines ont considéré que c'était une apologie pour l'Association de défense des Noirs, la NAACP. Pour autant, c'était un symbole assez utile, finalement, par exemple, pour les mouvements anti-lynchage, qui l'ont envoyé à certains membres du Congrès pour les inciter, en fait, à défendre un projet de loi contre le lynchage. Donc c'est un aiguillon, et comme tout aiguillon, c'est très efficace, c'est temporaire, ça fait très mal, mais c'est nécessaire. Il y a un personnage aussi très important dans cette histoire, c'est l'auteur, Abel Méropol, un juif new-yorkais communiste, proche du Parti communiste, et Barnett Josephson aussi, qui a demandé à Billie Holiday de venir chanter cette chanson. Les juifs américains ont joué un rôle important auprès des Noirs dans leur combat pour la liberté, l'émancipation. Alors, ils ont toujours fait partie, en fait, du combat des Africains-Américains pour l'émancipation. Ils ont fait partie des organisations de défense des Africains-Américains. Ils sont des partenaires, en fait, de toujours de la lutte pour l'émancipation. Aussi parce qu'en tant que juifs, ils étaient aussi discriminés, pas de la même manière, pas avec la même virulence, mais en tant que victimes d'une discrimination, en fait, ils étaient effectivement là, présents à différentes étapes. Pour terminer, je vous propose d'écouter la voix de Billie Holiday. Elle est interviewée en 1956 sur une radio américaine. Elle n'a que 41 ans, mais sa voix est très abîmée. Le journaliste, vous allez l'entendre, reçoit avec plaisir Mademoiselle Holiday. Il lui demande ce qu'est pour elle le jazz, et elle va répondre « Pour moi, le jazz, c'est de la bonne musique et de bonnes sensations. Il faut l'avoir en soi, le sentir. » Good afternoon, Mademoiselle Holiday. Hello, George. Billie, I wonder if you could answer for us. What is jazz? Well, to me, jazz is good music and a good feeling. And I'd like to say that everybody can play jazz. And no one person originated it. No one person created it. I think you just have to have it in you. Or do you concur? Have to feel it, in other words. Jazz must be tied in pretty closely with improvising. That's right. Yiddish Mama, une berceuse juive que Billie Holiday a chantée et qui a été enregistrée chez son ami William Dufty pour son enfant dont elle était la marraine. Billie Holiday qui va mourir le 17 juillet 1959. Merci beaucoup Sarafila Bakabadio, vous êtes l'autrice du livre « Africa on my mind », une histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis, édité aux Indes Savantes. À lire également « Strange Fruit », la biographie d'une chanson de David Margolik, aux éditions Alia. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui d'Autant n'emporte l'histoire. Cette émission était en nouvelle diffusion. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site radiofrance.fr. Vos commentaires sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous irons à la rencontre d'une grande artiste, Camille Claudel. De son vivant, cette sculptrice, élève et amante d'Auguste Rodin, dut se battre constamment pour s'émanciper de la figure du maître et s'imposer comme une artiste originale à part entière. Camille Claudel, une œuvre à soi, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.